neuf, docteur? À la radio, bien souvent, on nous donne des cours d'histoire, de cuisine et d'anglais. Tous ces sujets n'intéressent personne, mais moi je sais bien ce qu'il nous plairait. La Bistro La Pinothèque, c'est de la diffusion de brochures, de livres, de disques, de vinyles, du mouvement social, du punk, des zombies, de la marée chaussée pendue par ses pieds. Vous étiez à l'écoute de la Bistro La Pinothèque dans l'émission Tranche d'Anard sur Radio Air Libre. Tranche d'Anard, c'est tous les mercredis de 20h30 à 21h30. Et la Bistro La Pinothèque, c'est les derniers mercredis de chaque mois à 20h30. Tout ce bazar écoutable sur le 87.7 FM à Bruxelles et partout dans le monde sur radioairlibre.net. Ne vous excusez pas, ce sont les pauvres qui s'excusent. Quand on est riche, on est désagréable. Allons! Bonsoir et bienvenue sur Radio Air Libre dans l'émission Bistro La Pinothèque de ce mois d'octobre 2021. Ce soir, Aline vous présentera une brochure intitulée « De la démocratie en pandémie, santé, recherche, éducation » de Barbara Stiegler, éditée en janvier 2021 chez Gallimard dans la collection Tract, et c'est le numéro 23. Le Covid-19 ne serait pas une pandémie, mais bien une syndémie, maladie causée par les inégalités sociales et par la crise écologique entendue au sens large. Dans un deuxième temps, Titi vous présentera un néopolar déjà mort qui s'appelle « Lâcher les chiens » de Maud Tabachnik pour la deuxième édition chez Librio en l'an 2000, collection noire. Une série de meurtres et une enquête bâclée dans un petit village avec des politiciens et de l'extrême droite pour faire encore plus peur. Dans une de ces villes habitées, je respire la poussière de vanité, canalisée par un monde déshumanisé. Ceux qui s'y sont intégrés sont ceux qui raclent. La crasse, la débâcle, érigée en spectacle. Je respire la concurrence, l'opulente hiérarchie, qui enfume les villes du monde où la finance s'élargit. L'odeur froisse le silence des opprimés en léthargie. Que la ville se répartit sous les portiques des parvis. Je respire la violence des villes, sa crasse sous poison. Ma cervelle intègre le style, l'odeur, le blason. Quand j'arrive devant le portail de ma propre maison, je n'ai plus essuyé mon crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre, car ton malheur contamine la douceur de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime. J'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre, car ta crasse contamine l'innocence de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime. J'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson. L'extérieur me ronge comme la rouille ronge le fer. Incruste mes songe contamine mon repère. Ma cervelle éponge la crasse du quotidien. Cette saleté du quotidien que l'esprit récupère. S'adapter aux choses horribles, c'est en être synonyme. Je suis cousu des fils tissés à l'armature des villes, nouées par le sordide. Que la crasse consolide l'ignominie torride que la ville endoctrine. Elle et lui croient qu'une fois chez eux dans leur tour d'ivoire, la répugnance du jour s'oubliera dans leur tiroir. Mais la crasse des civilisations, nous la maçons, sans pouvoir essuyer le crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre, car ton malheur contamine la douceur de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime. J'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre. Ta crasse contamine l'innocence de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime. J'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson. Je comprends mieux cette envie de faire sa vie dans la brousse. Je pourrais lâcher mon armure, me découvrir d'origine. Je ne serai plus une vermine parmi d'autres qui m'éclaboussent, comme la rose d'ombre et l'épine sans le cueilleur misogyne. Je n'arrive pas à retrouver mon naturel. J'ai cueilli violence et mépris dans les tunnels. Les germes de la crasse la plus cruelle débordent de mes prunelles et ne s'envolent pas parce que j'arrive au coin de ma ruelle. Elle pollue les champs d'enfance que le cœur élabore, perturbée par la violence que la ville évapore. Crasse des civilisations que nous amassons, sans pouvoir essuyer le crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre, car ton malheur contamine la douceur de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime. J'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi, je ne suis pas libre, car ta crasse contamine l'innocence de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime. J'aimerais de pouvoir essuyer mon crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi je ne suis pas libre, car ton malheur contamine la douceur de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime. J'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson. Si tu n'es pas libre, moi je ne suis pas libre, car ta crasse contamine l'innocence de mes tréfonds. Ma rétine aspire la saleté qui t'anime. J'aimerais essuyer mon crâne sur le paillasson. Vous venez d'entendre le chanteur Rossé avec le morceau « Mon crâne sur le paillasson ». Alors merci à Esgypte et Marine pour cette petite introduction tout à fait délicieuse. C'est une belle transition pour enchaîner avec la présentation de Barbara Stiegler, qui est professeure de philosophie à Bordeaux et qui a écrit « De la démocratie en pandémie, santé, recherche, éducation ». Elle a écrit ce tract en janvier 2021 chez Gallimard et c'est le tract numéro 23. Alors selon Barbara Stiegler, le néolibéralisme ne fait que renforcer les accidents sanitaires à venir. Je reviendrai plus tard sur ce qu'elle entend par néolibéralisme, mais en attendant, il s'agit bien d'un système qui accentue les inégalités sociales et participe ainsi à l'augmentation des maladies chroniques comme l'obésité ou le diabète, ce qui fragilise évidemment encore plus les populations face aux nouveaux risques sanitaires. Alors sans relâche, le néolibéralisme poursuit également le démantèlement des systèmes de santé. Alors c'est un démantèlement qui est en cours depuis une vingtaine d'années, mais qui s'est même fortement accentué pendant la crise du Covid-19. Modelé par ce modèle, nous traitons les virus comme des événements biologiques et non comme des événements politiques, sociaux et économiques. Alors Barbara Stiegler dénonce le fait qu'en pandémie, comme elle dit, en pandémie, la démocratie elle-même est disqualifiée comme une survivance dangereuse à laquelle il faudrait se préparer à renoncer du fait de l'inquiétante augmentation des contaminations. Mais qui, par ailleurs, ne parle jamais de l'augmentation des porteurs sains. Augmentation qui est en fait inévitable dans toute société qui survit à un virus. Elle dénonce également ce système où le pouvoir est dorénavant le seul à être légitime pour opérer un tri parmi les bonnes et les mauvaises activités. Alors, il remet en cause les manifestations, les grèves, les rassemblements publics et familiaux, mais impose une accumulation de travail à distance. Ce système permet d'amasser des troupeaux de gens dans les trams, dans les usines, privilégiant à tout prix la survie du système économique. En faisant appel au civisme et à l'esprit collectif et à la résilience, parce que oui, quelle formidable occasion de reconstruction que de tels événements rendent possible, il parvient même à nous convaincre qu'il est bon désormais de mourir seul. Seul, mais pour le bien de tous. Je vais vous lire un extrait, page 34. Les excès de zèle les plus compliants à cette expérience, grandeur nature, se drapèrent dans les habits de l'esprit collectif. Les chroniqueurs félicitèrent les Français pour ce nouveau sens civique qu'ils prêtaient aux citoyens chinois et qui fit le nid d'innombrables délations. En pandémie, un nouvel ordre mondial se mit à régner, dans lequel il était normal d'abandonner à leur sort les plus précaires au nom du respect des plus fragiles. Sous les habits du civisme, les foyers confinés étaient en réalité encouragés à se replier sur eux-mêmes pour se protéger, eux et leurs proches, tout en continuant à poursuivre sur Zoom la course compétitive entre agents égoïstes pour la conquête des meilleures places. De sorte qu'on put se demander si ce virus ne réalisait pas finalement le rêve ultime des néolibéraux, chacun, confiné seul chez soi, devant son écran, participant à la numérisation intégrale de la santé et de l'éducation, tandis que toute forme de vie sociale et d'agora démocratique était décrétée vecteur de contamination. S'il avait commencé par mettre à bas le discours néolibéral sur la mondialisation, le virus semblait lui permettre, avec le virage numérique, de retomber sur ses pieds. Alors oui, elle parle de résilience. Hein. Et pour ce, je vous invite à réécouter ou à écouter le podcast de l'émission de la Distro Lapinothèque du mois de septembre 2021, sur ce thème entre autres. Alors Barbara Stiegler insiste sur le fait que nous sommes dégradés au rang de mineurs incapables de maîtriser nos penchants. Notre indiscipline devient dès lors responsable de nouveaux clusters. Comment tu vas toi? Ça fait longtemps. Tu t'amuses bien? Non, tout est fermé, on ne peut rien faire. Comment on peut rien faire? Mais c'est pas vrai. Il y a des tas de trucs à faire. Ah bah Lou, tu m'emmènes au ciné voir Wonder Woman? On va faire d'autres trucs. Oh. Et comment tu vas lui expliquer que ce n'est pas possible? Comment je vais lui expliquer? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je vais lui expliquer? Tu me prends pour un imbécile? C'est pas compliqué à comprendre. Hein. Eh bien. Ah, j'attends de voir. Écoute. Écoute bien ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que t'as à savoir, c'est que... On a fermé tous les cinés, tous les théâtres et les musées. On en reparlera le 7 janvier. On a sauvé le Black Friday, on sauve Noël. Et puis après, la culture, on peut la laisser crever. Rouvrir une église, ça se fait sans astuce. Rouvrir un théâtre, là, c'est des risques en plus. Les TGV sont surbondés, tous les avions affichent complet. Mais des spectateurs, un rang sur deux, dans des théâtres, c'est trop contagieux. Alors on ferme tout. Mais, et les intermittents? Oh là, alors tu me fais rire. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces intermittents de mes coups? Balou, le dent. La culture, on peut vraiment la laisser crever. Laisser crever? Laisser crever. On a fermé tous les cinés, tous les théâtres et les musées. Soyez les bienvenus dans le monde d'après. Prenez votre air bien accablé, criez, gueulez, pleurez, râlez, mais vous trouverez personne pour écouter. Une galerie marchande, ça reste grand ouvert. Pour une galerie d'art, là, c'est le rideau de fer. Aucun cluster n'est déclaré à l'opéra ou au ballet. Mais faire rêver, c'est trop risqué. Alors ce qu'on fait, c'est les sacrifier. Alors petit, as-tu compris? Ah oui, merci Balou. Oh, c'est pas vrai. Jamais je n'ai entendu de telles stupidités. Qu'est-ce qu'ils veulent, complotistes? Allez, pète un coup. La culture, on peut vraiment la laisser crever. Laisser crever. Allez, n'y pense plus. Ah, Wonder Woman, tu la verras sur ta tablette. Et dis-toi une chose, mon petit gars. Tu vois cette abeille? Eh ben, elle est productive. Il faut être comme elle pour être sauvé. Et si tu ne l'es pas, eh ben, faudra pas venir te plaindre. Tu comprendras que la philharmonie n'intéresse pas notre économie en ce noble pays. La culture, on peut vraiment la laisser crever. Ah, oh, j'abandonne. Vivement 2022. Mowgli, si tu chantais avec moi. On a fermé tous les cinés, tous les théâtres et les musées. On regardera nos films en VOD. Et vive les spectacles en streaming, c'est ce que nous a dit Roselyne. La culture maintenant c'est sur la télé. La culture on peut la laisser crever. Youpi! Alors je vais encore vous lire un petit extrait, ou deux d'ailleurs. Page 23 d'abord. Ainsi s'opérait, dès les premières heures, une spectaculaire inversion des responsabilités. Alors que le citoyen était les victimes d'une politique qui avait désarmé le système sanitaire, le gouvernement inversait la charge en l'imputant aux citoyens eux-mêmes, c'est-à-dire aux victimes non consentantes de ces décisions, déclinant un agenda qui n'avait jamais été affiché comme tel dans les programmes électoraux. Cette inversion des rôles, le préfet, l'Allemand, allait finir par le résumer de la manière la plus brutale, en inventant une corrélation très claire entre la courbe des hospitalisations et l'indiscipline des Français. La preuve, poursuivait-il, dans son raisonnement épidémiologique fantaisiste, tous ceux qui affluaient aujourd'hui aux urgences étaient ceux qui se promenaient quelques jours plus tôt dans les parcs et les jardins. Or, si rien n'a obéi ici à un plan préalable et moins encore à un complot, tout n'a pas relevé de l'improvisation. La décision du confinement, si elle fut largement liée à une panique des élites, a aussi révélé la conception profonde que le pouvoir se faisait du « démos » et dont les premiers germes se trouvaient déjà chez les théoriciens de la démocratie libérale des siècles précédents. Ce qu'il s'agissait d'éviter, c'était que la démocratie soit abandonnée à des instincts sauvages et qu'elle grandisse comme ces enfants privés des soins paternels qui s'élèvent d'eux-mêmes dans les rues de nos villes et qui ne connaissent de la société que ses vices et ses misères. Un autre extrait, page 29. Dès les premiers jours de la crise, le président de la République fit en effet ce choix inouï de commencer par écarter tous les dispositifs nationaux de santé publique, comme le plan pandémie, Santé publique France, le Haut Conseil de la santé publique, la Haute Autorité de santé, la Conférence nationale de santé, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Eux-mêmes, irrigués à un savoir universitaire inscrit dans les échanges scientifiques internationaux et d'imposer à leur place, hors de tout cadre réglementaire existant, une succession de conseils dépourvus de toute légitimité institutionnelle, dont les Nudge Units, mais aussi deux organes successifs constitués à sa main. D'abord, le Conseil scientifique, créé le 10 mars, puis le CARE, Comité Analyse, Recherche et Expertise, créé le 23 mars, auquel allait s'ajouter un détournement inédit du Conseil de défense militaire chargé d'établir dans le secret les plans conditionnant l'intégralité de nos vies pour une durée indéterminée. Petite pause musicale avec Marie Davidson, Work It. Maintenant d'un autre ouvrage que Barbara Stiegler avait écrit chez Gallimard en 2019, et c'est un ouvrage que nous n'avons pas encore à la Distro Lapinothèque, mais dont j'ai entendu parler, et qui peut éclairer un peu la brochure qui nous occupe. Alors cet ouvrage s'appelle « Il faut s'adapter », Alors, cet ouvrage traite de l'influence darwinienne de l'évolutionnisme en démocratie. En fait, le darwinisme social, appliquant les théories évolutionnistes aux sociétés humaines, s'est imposé dès le 19e siècle au fondement de nos sociétés. Alors, pour rappel, cette théorie veut voir supprimer les institutions régulatrices au nom de la survie des plus aptes. Alors, pour la petite parenthèse, c'est le journaliste anarchiste lyonnais Émile Gautier, impliqué dans le procès des 66 à Lyon en 1883 avec Pierre Kropotkin, qui est le premier à avoir employé l'expression « darwinisme social » comme intitulé d'une brochure publiée en 1880 à Paris et qui attaque les tentatives d'application de la biologie aux sociétés humaines. Mais aujourd'hui, il est vrai que Barbara Stiegler explique que les nouveaux libéraux, les néo-libéraux, n'ont plus confiance en l'espèce. L'espèce humaine est, selon eux et elles, enfermée dans une clôture psychique qui l'empêche de s'adapter. Et comme l'espèce humaine n'est de fait plus adaptée à son environnement qui est la mondialisation, elle se doit d'avoir des politiques invasives pour l'aider à s'adapter à cette même mondialisation. Et cela ne peut se faire sans l'État. L'État revient dans le jeu. Il revient donc comme un outil de consentement des masses. Dans la pensée néolibérale, ces masses sont toujours en retard sur ce qui advient, et comme elles ne sont pas éclairées, la démocratie est carrément complètement remise en cause. Alors quelques éléments supplémentaires vont compliquer encore plus la compréhension de cette pensée néolibérale, qui va s'aider des sciences sociales et humaines pour s'imposer. Comme par exemple grâce à la psychologie qui va travailler à l'idée de résilience, la fameuse résilience, ou encore par l'éducation qui sera de plus en plus focalisée sur la flexibilité, la mobilité, la rapidité, au détriment de l'émancipation. L'État néolibéral utilisera également le droit pour maintenir la concurrence afin que tous les individus puissent rentrer dans la compétition. Et ça, c'est ce qu'ils appellent l'égalité des chances. Et oui, la seule limite à cette compétition est le fair play. L'air de rien, le néolibéralisme entretient donc un discours sur la justice, il donne un sens à la vie, et c'est un pouvoir d'attraction très fort. Les néolibéraux sont par exemple contre l'accumulation des rentes, contre l'héritage, parce que ça fausse la course. Ils veulent dégager des inégalités naturelles et non des inégalités de fait. Alors moi, ça me fait penser à un concept de Pierre Bourdieu dont j'ai entendu parler sur d'autres ondes ce matin et qui est le racisme de l'intelligence. Cette éducation qui naturalise l'intelligence et qui classe les enfants, ceux à haut potentiel et les autres, sur base de critères restrictifs culturellement situés sans tenir compte du développement de l'intelligence et de la construction de celle-ci. Barbara Stiegler revient sur l'importance de la pédagogie et du cap pour le néolibéralisme. Alors ce cap, c'est quoi? C'est la mondialisation, la rapidité, la mobilité. Ce cap est un impératif catégorique qui n'est pas discutable et qui doit s'appuyer sur un système pour fabriquer le consentement des masses, car nous n'avons pas le choix. Mais aujourd'hui, pour Barbara Stiegler, un tournant s'amorce. Nous arriverions à une crise climatique telle que les injonctions liées à ce cap néolibéral rentrent trop en contradiction avec les injonctions de la crise climatique, et il semble que plus personne n'ose vraiment prétendre le contraire. Alors avant de retrouver Titi, je vous propose d'écouter Renegade Breakdown, toujours et encore de Mary Davidson, que j'aime beaucoup. Elle chante la dépression des renégats. Salut. Denied my application? I'm not a slave of your institution. You want a weapon of mass destruction? I'll give you a demonstration. By the way, there are no moneymakers on this record. This time I'm exploring the loser's point of view. Never mind the term. It's a renegade breakdown. I don't want your advice on how to elaborate my speech. I have no interest in your political agenda. Your intentions fluctuate like the stock market. Your masquerade is grotesque. Your style, overcalculated. The uglier I feel, the better my lyrics get. And I feel disgraceful whenever you're around. I thought I saw you taking a picture last night. So give me something to remember. Your pointless opinion, I couldn't care less. How do you come up with such meaninglessness? Your cheap headlines, your lazy writing. I wonder how it feels for you to sit around all day. I'll tell it to your face, for once and for all. My life is anti-strategic. Lying between. Comic. And tragic. Should be called no collab. Expect no collaboration. No need to call the cops. I'd rather self-police. I betray everything I make. Anger is everything I am. Your science is a poison. I can no longer ingest. Take your prescription and shove it up your ass. This is where we part. And this is how I end the capitalization of my deprivation. So next time you think about me, might as well cross me off your list. I really don't need an applause. Your party sucks anyway. Je me suis une seule, à la chambre. Force éternelle, PTC. Coup de tonnerre, foudre, éclair. Tout s'enchaîne, tes yeux, ta peau, tes lèvres. Fourbe. Le ciel fait des siennes, mon cœur ne tient plus. Regard, pluie, rafale de vent. Coup de foudre. Piétine, tu mes idées une à une comme des bulles de savon que tu éclates. Mâchouille mon cœur comme un chewing-gum. Amour éther, tout foutre en l'air. J't'ai dans la peau, j't'ai dans la tête, j't'ai dans la coque. Je me sens suivie, partout où je vais t'es là aussi. Pollue mon sang, virus piment, angoisse tenace. Images de toi en flash qui viennent, qui partent. Et malgré moi ça tourne, ça roule, ça coule. J't'ai dans la peau, j't'ai dans la tête, j't'ai dans la coque. J't'ai dans la tête, j't'ai dans la coque, j't'ai dans la peau. T'as liposucé mon ardeur, l'amertume me tient les tripes, rancœur. Le silence de la nuit creuse, ronge, pleut sur mes rêves jusqu'à les attraper, les dévorer. Transpire le dédain, vide, d'instinct. Polaroid vous emmène dans une sombre affaire de meurtre non élucidé dans un petit village du sud-est français. Il y a du réac fascistoïde dans l'air, lâchez les chiens, c'est le titre de ce polar écrit par Maud Tabachnik. Tabachnik, édité chez Flammarion en 98, puis réédité moult fois, dont notamment aux éditions De Boré, et puis enfin celle que nous présentons aux éditions Librio Collection Noire. La trame de l'histoire, c'est un règlement de compte mal fichu, qui se solde par une série de meurtres. Une enquête plutôt bâclée, certainement pour cacher le ou les commanditaires liés à l'extrême droite, qui sait. Comme on nous le fait comprendre tout au long du roman, la réalité intrinsèque de ce village, comme tant d'autres, ne tient que dans un mouchoir de poche. Au niveau des personnages, il et elle sont peints à la grosse brosse, à savoir une bande de petites frappes locales, membres du groupe des indépendants de France, le GCIF, lié à l'extrême droite. Dans l'autre versant des personnages, nous avons une journaliste du quotidien parisien Le Matin, appelée par son vieux pote éleveur de chèvres qui habite le village. Donc cette journaliste a été appelée par son ami pour faire la lumière sur ces meurtres non élucidés. Pour compléter ce tableau, on retourne sur l'autre versant et on a un fonctionnaire de police pas très fut-fut en termes d'enquête, ainsi que deux maires locaux qui n'ont pas intérêt à ce que l'affaire des meurtres s'ébruite à Paris. Ces politiciens sont surtout intéressés par le futur électoral du mouvement national, dit autrement par les bons résultats électoraux du Front National. En somme, un bon sac de petits réacs fascistoïdes comme il en existe vraiment dans le sud-est français, mais pas uniquement. Alors, on accroche bien à l'histoire, le style littéraire de Maud Tabachnik est sans aucun doute épuré, sans sophistication. Elle va droit au but. L'efficacité balistique est de rigueur. Bien que l'histoire en soi n'a rien de très exceptionnel, elle dépeint assez justement cette réalité réactionnaire antisémite de fin fond de village. Ah, j'oubliais de préciser que dans cette série de meurtres, le premier de la série d'ailleurs, est celui d'un contrôleur d'impôts d'origine juive, un certain Victor Dreyfus. Évidemment, ce nom n'est pas choisi au hasard. Donc, ce cher Dreyfus se fait désinguer par un membre du groupe des commerçants indépendants de France. Il sera jugé et mis en cabane. Suite à cette condamnation, un autre meurtre survient. Bref, on n'est pas encore sorti de ce foutu bled. Il y a un élément, et non des moindres, c'est le contexte de production de ce polar. En effet, il sort en 98, c'est-à-dire peu après les élections présidentielles de 95 et les législatives de 97. Il est indéniable que le très bon score du Front National était une influence sur ce polar de Maud Tabachnik. Les résultats du Front National semblent indiquer que bien plus qu'un vote de protestation, nous sommes en face d'un vote dit d'adhésion. Et selon les analyses, avec une forte adhésion ouvrière. Certaines des rengaines du FN commencent à pénétrer les consciences des prolétaires français. Il fallait quand même planter un peu le décor et le contexte pour savoir de quoi on cause. Disons que ce genre de lecture, au-delà du côté fait divers bien ficelé, amène quelques réflexions quant au traitement de la dite question de l'extrême droite dans le polar français. Peut-être que je m'emballe un peu et resserrons notre propos dans ce livre de Maud Tabachnik. Et bien entendu, il ne s'agit pas de confondre un polar avec une analyse sociologico-anthropologico-politique, mais quand même, ce qui nous intéresse quand on lit un roman noir, c'est qu'il soit bien informé. Et ici, rien n'est faux, mais disons que cette réalité est brossée à gros coups de pelleteuse. Et nous, ce qu'on veut, c'est un travail au scalpel, qui nous donne assez de finesse pour donner à cette réalité toute sa profondeur. Avant de passer à notre critique, faisons une brève analyse des classes sociales présentes dans « Lâcher les chiens » de Maud Tabachnik. Dans cette analyse, on s'attaquera qu'aux personnages principaux. Il y a tout d'abord Victor Dreyfus, le collecteur d'impôts. On sait qu'il est d'origine juive et on n'a pas beaucoup plus d'infos. Mais vu qu'il est collecteur d'impôts, on présupposera qu'il fait partie de la classe moyenne, voire la classe moyenne supérieure. Ensuite, nous avons Jules Lesdiguer, condamné pour le meurtre de Victor Dreyfus, et surtout membre du GCIF. On sait juste qu'il est soutenu par ses compères et qu'il a été condamné à de la prison ferme. Le GCIF, Groupement des Indépendants de France, c'est un groupement interclassiste lié à l'extrême droite, qui regroupe les commerçants français. Les deux bandes de roublards sont quant à elles composées d'un garagiste, un poissonnier, un chômeur, un vigile, d'un employé de mairie. Ils sont sans aucun doute des prolétaires en soi, et pas au sens politique que donne Marx, à savoir la classe révolutionnaire pour soi. Mais je reviendrai sur ce distinguo qui vaut la peine d'être précisé. Les deux maires, on n'a pas trop d'informations, mais vu leur fonction de dirigeants politiques, ils occupent la place immanquable dans la classe dirigeante. Fanny, la journaliste, elle est rédac-chef des infos et responsable de la chronique judiciaire du Grand Quotidien Le Matin. Elle a fait Sciences Po et c'est peu probable qu'on la confonde avec une lumpen prolétaire. Au vu de sa place sociale qu'elle occupe, on penche plutôt pour classe moyenne supérieure et dans le polar, elle occupe la fonction de justicière qui amènera en quelque sorte le dénouement de l'histoire. Ensuite, Bernard Dumont est éleveur de chèvres, plutôt de tendance écolo, donc de ce qu'il est mentionné, il a fait Sciences Po avec la journaliste, mais n'a pas suivi cette voie. Il a mis son blouson d'éleveur de moutons, s'est acheté une ferme et s'est installé dans le petit village du sud-est de la France, avec femme et enfant sous le bras. C'est donc peut-être plutôt partie de la classe moyenne. La flicaille, à savoir un gendarme et un inspecteur. On n'a pas trop d'infos sur eux, alors comme on joue au jeu des classes sociales, on dira comme Nicolas Poulansas, qu'ils font partie du corps répressif de l'État et qu'ils occupent socialement une fonction qui les place aux côtés de la bourgeoisie. Vous l'aurez compris, l'analyse express des classes présentes dans le roman de Maud Tabachnik, c'est pas juste pour le fun ou pour faire du rayonnage ou du classement pour du classement. Mais disons que ce qui nous intéresse particulièrement là-dedans, c'est que ces éléments permettent de nous donner des pistes pour comprendre tel ou tel acte ainsi que leur motivation contextuelle. C'est un fait que les éléments criminogènes dans un polar est une indication que quelque chose ne va pas dans ce monde. Dès lors, il est le point de départ d'une exploration critique et sans complaisance de cette société qui l'a suscité. D'où vient telle ou telle personne ou tel protagoniste? Où se situe socialement et politiquement tel ou tel fait? Et c'est important d'insister et de voir d'où viennent les personnages, mais aussi ce qu'il et elle pose comme acte à un moment donné. Je prends un exemple qui n'a rien à voir avec ce roman, un ouvrier qui jouerait le briseur de grève ou qui ferait le contremaître à la place du contremaître, même s'il est objectivement ouvrier, par sa condition sociale, politiquement, ce qu'il défend en pratique est, c'est le fait de se désolidariser de sa classe, ce qui le place comme défendant les intérêts directs du patron. Un autre exemple, un membre du corps répressif tel que la garde nationale lors de la Commune de Paris, qui décide en plein moment révolutionnaire de ne pas tirer sur la foule et de se joindre aux révolutionnaires. C'est un basculement radical de classe malgré sa fonction de maintien de l'ordre. Par son acte, il crée une césure à un basculement de camp social en rejoignant les révoltés. Donc il y a où on se situe socialement, mais également les actes que l'on pose. Mais là, je me suis largement égaré. Revenons à notre polar « Lâcher les chiens » et clôturons le sujet. Maud Tabachnik est une autrice à découvrir. Elle écrit vraiment bien et on est accroché de bout en bout. On ne va pas faire la biographie de l'autrice, sachez juste qu'elle a à son actif une quarantaine de polars et de thrillers. Elle fait partie de ce qu'on appelle le nouveau roman noir. Mais bon, on ne sait plus ce que ça veut dire nouveau, puisque déjà Jean-Patrick Manchette décrivait dans les années 80 que le néopolar français était mort. C'est peut-être encore du marketing ou du néo-marketing, c'est comme vous préférez. Peut-être un point critique pour ma part, c'est que la figure de la journaliste justicière est à mon goût largement éprouvée. Ce n'est qu'une variante social-démocrate du policier-justicier, mais ça, c'est une question de goût politique. Bref, faites-vous votre avis et lisez « Lâchez les chiens » de Maud Tabachnik. C'est aux éditions Librio Collection Noire, disponible pour la modique somme de 1 euro à la Distro La Pinothèque. À ce prix-là, vous n'êtes vraiment pas volé. Vacant, fou de ce monde. Oh,